À la veille du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, les représentants diplomatiques de divers pays et des institutions internationales en Corée ont visité le 1er septembre l'école secondaire pour orphelins de Pyongyang et le centre de rétablissement fonctionnel de Munsu, complexe de services sanitaires.